J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. Prends le maximum d'argent avant de fermer les yeux. Je veux faire pire que mieux. Ma vie ressemble à une cachette remplie de liquide. La tienne à un pari est vide. On cherche des grosses depuis qui 18 sans réfléchir. Ma liasse doit pas désépaissir. Transaction, transaction, toujours rester dans l'action. Échantillon dans le caleçon. Je me paye une tasse en location. Je te ferai une passe à l'occasion. Passeur, guetteur, guardia, tout le monde veut voir mes provisions. 150 euros le plein, je dépense, je suis friqué. T'as même pas assez de pièces pour mettre de l'essence dans ton briquet. Tu veux rentrer dans le carré, faut un tampon sur ton visa. Sors le service, 3 pièces, balance de l'amour sur ton visage. À ce qui polytaigne t'implant, c'est ce que m'a dit la mère des enfants. Ici, y'a la plus grosse érection, tu rentres dans la mauvaise direction. J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. Pourquoi venir au télo si tu veux personne ne te doit? Pourquoi respecter la vitesse si personne ne te voit? Pourquoi venir au télo si tu veux personne ne te doit? Pourquoi respecter la vitesse si personne ne te voit? Charbon, charbon, on ne dort plus. Ça sent pas bon, le plan est tordu. En mode conformément sport plus. En mode conformément sport plus. 2 grammes, dis eux. Prends si tu veux, j'ai pas mieux. Font les mafieux. Dans ce milieu, vive pas vieux. J'décide qui sort des vestiaires comme Noël Le Gret. J'décide qui rentre chez sa mère, qui doit se mettre en levrette. Tu crois que je vais être ton sbire? Tu nages en plein délire. J'suis mort de rire. J'tourne pas la page, je la déchire. WW, tout est j'did. J'tire pour être intronisé Kaïd. J'fais des briques toute l'année, tu fais des briques à la Eid. Grenade, Uzi, P38, Hassoul, la gamberge. J'vais au strip, jette des liasses sur le boule de ta grand-mère. J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. J'ai la bonne moula moula, j'ai la bonne moula moula. J'te viser ici oula, ouais je sais c'est Starfoula. Cricket the bang.